Dieu me dit, fils de l'homme, tous ces eaux sont les enfants d'Israël. Ils disent, nos eaux se sont desséchées, notre espérance a péri, et nous sommes retranchés du nombre des hommes. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'existe. Voici, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et que je vous aurai donné mon esprit, et que vous vivrez, et que je vous aurai placé en grande paix et dilatation sur la terre qui vous appartient, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai exécuté. Ainsi parle le Seigneur Dieu. »